Barbicane n'avait plus d'inquiétude, sinon sur l'issue du voyage, du moins sur la forte impulsion du projectile. Une seule hypothèse restait à se réaliser, l'arrivée du boulet à son but sous l'action de l'attraction lunaire. Chute formidable, contre laquelle toute précaution voulait être prise sans retard. Barbicane s'occupa de la disposition des engins destinés à retarder la chute, des fusées convenablement disposées. Cependant, le projectile se rapprochait visiblement de la Lune. Mais il était certain qu'il ne tombait pas normalement à la surface de la Lune. En effet, bientôt le projectile se déplaça latéralement à la Lune, car sa trajectoire avait été déviée par le bolide évité au départ.